Ouais, toujours pareil. Change la batterie. Mets la batterie. Je remets une batterie. La deuxième partie du téléphone. Faut que je trouve le nom. Quelle est là? 3, 4. Ah bah c'est là. C'est bon, je cale. Allez, vas-y, fais ce que tu veux.